mais je suis pas à vendre. J'arrêterai le son le jour où je serai bien et pas avant. Je veux plus que ma mélodie fasse de l'autostop, être dans la lumière une fois sur deux, tel un stroboscope. Ma musique touche le monde, mais elle est intouchable. Si près du peuple, loin des guerres, c'est responsable. Si tu connais la bonne zig, c'est que tu connais Dry. Mafia qu'un prix pour le peur, ah, on a donné grave. Ouais, on a percé, percé tous nos rails. Mais moi perso, quand j'opère, c'est que pour faire du zay. Audi au Renault 5, je veux mon son dans toutes les voitures. Ma mélodie à la bougeotte, c'est un nomade le voiture. Elle a la voix sûre, calme les malaises, voir les blessures, mais la censure aimerait qu'elle se taise. Elle prend trop de place pour ne squatter que les sous-sols. Aucune oreille lui ferme les portes, car elle a la clé de sol. À force de cogiter, je réponds moi-même à mes questions. Sur terre, j'ai pas vu de paradis, ma vie n'est pas une parodie. Triste réalité, triste est la mélodie. C'est triste et je commence à m'y faire. Mais je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Non, je n'écoute pas. Ma vie, c'est cette mélodie. Je puise toute ma force dans l'écriture depuis des décennies. Ma mélodie vient du 9-4-310. Elle a connu la hesse, des galères pour 3 centimes. Puis elle a pris des prods, forcément du poids dans le biz. Tôt ou tard, on la remarquera comme un poids dans le vide. J'écris mes albums avec mes tripes. Des flows et techniques inédites, toujours avec maîtrise. Je veux que mon son soit ton compagnon de galère. Il est fidèle au poste, indomptable comme un camel. J'ai plus rien à prouver dans la musique, j'ai tout fait. Fumer des kills de son de temps en temps, tu me verras tousser. Elle respire la santé comme si elle avait 20 ans. N'accepte pas le proverbe qui dit que tout a un temps. À force de cogiter, je réponds moi-même à mes questions. Sur terre, j'ai pas vu de paradis, ma vie n'est pas une parodie. Triste réalité, triste est la mélodie. C'est triste et je commence à m'y faire. Mais je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Non, je n'écoute pas. Ma vie, c'est cette mélodie. Je puise toute ma force dans l'écriture depuis des décennies. À force de cogiter, je réponds moi-même à mes questions. Sur terre, j'ai pas vu de paradis, ma vie n'est pas une parodie. Triste réalité, triste est la mélodie. C'est triste et je commence à m'y faire. Mais je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Non, je n'écoute pas. Ma vie, c'est cette mélodie. Je puise toute ma force dans l'écriture depuis des décennies. Tôt ou tard, les derniers seront les premiers. Mélodie, mélodie, fasse le tour du monde.